C'était si éblouissant, parfait, magique et troublant. Juillet nous brûlait la peau, nos rires s'ébrouaient dans l'eau. Tes cheveux blonds volaient sur mon vélo. Galets, buissons, baisers, fringales, sous les lampions, le flirt, le bal. C'était l'été de l'insouciance, l'été de notre adolescence, l'été de tous les plaisirs. Parfumer la terre de sel et d'ambre soleil, et la pluie d'orage soudain nous enlacer dans le foin, et l'on s'offrait du rêve pour presque rien. Oh. Pas de vol bleu, de grands voyages, on s'embrassait sur une petite plage. C'était l'été de toutes les fêtes, l'été de toutes les découvertes.